Je remercie et je laisse la parole à Monsieur Samuel Bordreuil, qui est directeur du laboratoire méditerranéen de sociologie à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence, pour une intervention qui va apporter, je crois qu'on ne l'a pas abordé très peu ce matin, qui a comme titre « Marcher à plusieurs ». Je renvoie les rangs. Je retourne les remerciements parce que vraiment ça me fait plaisir d'être ici. J'espère que c'est réciproque et que ça continuera à être réciproque. Je me sens toujours à Grenoble alors que j'ai des complices, le mot est trop fort, mais je sais qu'il y a de la connivence, qu'on travaille souvent sur les mêmes brisées ou les mêmes longueurs d'onde et qu'on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment répondu avec plaisir à cette invitation à parler sur la marche. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le titre, c'est « Marcher à plusieurs » et « La marche à plusieurs ». Et je voudrais dire que ce n'est pas vraiment un objet. Jamais je me suis dit « Ah, mais il faudrait travailler sur la marche à plusieurs ». Mais travaillant sur les pratiques urbaines, je me suis rendu compte que le cas prototypique du flâneur qui existe et de la marche solo, qui est une des aménités que nous offre l'espace public de la ville, n'est pas le seul cas de figure. Et que, travaillant sur les interactions en espace urbain, je vois des marcheurs, mais très souvent, ils ne sont pas seuls. Et donc, à la différence de André Storm qui travaille sur des expérimentations, des protocoles artistes de marche à plusieurs, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas voulu isoler cet objet, mais je voudrais simplement le rappeler, parce que dans beaucoup de ce qui s'écrit et qui est très pertinent sur la marche en ville, on oublie cette dimension-là. Qu'est-ce qui se passe si on la met au centre de l'attention? C'est un peu ça le sens du propos. Alors, je suis sociologue. J'ai mes marottes, mes préférences, mes écoles, mes références, mes révérences. Je suis très séduit par les approches micro-analytiques. Je suis une sorte de militant de la micro-sociologie. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme je disais à Anne qui parlait ce matin, j'ai commencé dans la sémiotique structurale. Et puis, ensuite, j'en suis venu à l'interactionnisme, micro. J'étais très jaloux parce qu'elle arrivait à faire les deux, alors que moi, à un moment, je me suis senti obligé de choisir. Mais bon. Donc, pour vraiment aller à la hache et vraiment de manière tranchante, proposition risquée de relecture de Goffman, dès que deux individus sont en présence, la société est là. Le sociologue peut travailler. Donc c'est à partir de là que je travaille. Il m'en faut au moins deux, d'accord. La deuxième chose, alors ça c'est mon background, c'est ce qui me fait travailler. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un dogme, c'est-à-dire que c'est un principe de pertinence, d'approche, d'entrée dans l'analyse des situations urbaines. Il y a un deuxième, inclination, goût, que j'ai, mais qui est rentré, frustré, qui est une sensibilité au thème de l'espace sensible. J'aimerais savoir écrire là-dessus. Peut-être mieux que je ne le fais. Et donc, c'est pour moi quelque chose qui est de l'ordre du goût et que j'aimerais cultiver. Et alors, je dois ça, je ne suis pas le seul, je dois quand même ça, une dette énorme à Pierre Sansot, sa capacité à parler juste et précis sur des situations floues, justement. Et pour moi, ça a été une révélation, ça a été quelque chose qui a compté dans ma carrière, même des avant Goffman, je dirais, puisque c'était dans les années 70, 73, quand il était encore à Goffman. Et en plus, si vous voulez, on commençait de manière. Dû être un petit peu un précurseur, hein, et c'est aussi son background ou sa culture philosophique qui lui permettait ça, on sait que. Ce thème de l'espace sensible a mordu d'une certaine manière sur la sociologie, la faute à Merleau-Ponty, la faute à la phénoménologie, aussi au pragmatisme tel que le relie ou tel que Jean-Paul Thibon le relie, qui tous, enfin, d'un côté le sensible et puis de l'autre côté l'analyse des interactions, le sensible est plongé dans l'action d'une certaine manière, dans des engagements en cours, dans des activités, je dirais. Des activités en tant qu'elles sont données au sens. Donc voilà, les engagements en cours, les activités en tant qu'elles sont données en sens, au sens. Simplement, ces engagements, la plupart du temps, et je reviens à mon thème de départ, sont à plusieurs. Ce sont des engagements vis-à-vis d'autres, engagés, ou parfois qui se sont engagés vis-à-vis de nous. Dès lors qu'on marche ensemble, on est dans un engagement conjoint, et on doit à une philosophe analytique qui est Margaret Gilbert, qui n'a rien à voir avec la théorie interactionniste, et qui d'ailleurs aurait pu s'en inspirer parce qu'elle aurait trouvé fou d'exemples, mais elle précise bien quand même ceci, qu'à partir du moment où on marche avec quelqu'un, on est, qu'on le veuille ou non, sujet de droit et ou de devoir par rapport à la personne avec qui on marche. Elle est en position de dire ralenti, par exemple. Donc, rien que sur cet exemple, vous voyez que s'il est important de placer le marcheur dans son environnement, le face-à-face n'est pas aussi direct, et dans ces cas-là en tout cas, le marcheur est en rapport avec un environnement, mais il est en rapport avec le rapport à l'environnement qu'a son collègue de marche. Donc ça complexifie un peu les choses. Maintenant, il arrive qu'on soit seul, et qu'on marche seul, et qu'on fasse l'expérience de la porosité dont il nous a parlé ce matin. Cette scène-là, c'est la scène du flâneur. Et c'est une scène cruciale dans la littérature sociologique, phénoménologique, etc. Il ne s'agit pas de la passer à la trappe, au contraire, parce que sans le flâneur, on n'aurait pas, je ne sais pas si Pierre Sansot se définissait comme ça, mais on n'aurait pas la poétique de la ville. La poétique de la ville suppose, me semble-t-il, un énonciateur qui est dans une position de flâneur. Donc là, c'est un peu le contre-exemple à ce que je développe. C'est-à-dire que bon, moi, j'insiste sur les engagements à plusieurs et le marché à plusieurs, mais il ne faut pas oublier le marché solo, pour dire les choses bêtement. Et donc, qu'est-ce que je fais là de mon interactionnisme? D'une certaine manière, il est moins pertinent. Alors, j'ai une thèse un peu provoque, qui est de dire que même la position du flâneur, il faut l'envisager du point de vue des conditions interactionnelles qui la rendent possible. Alors là, j'ai une petite anecdote, un petit exemple qui me permet d'aller très vite sur cette histoire du flâneur. C'est une expérimentation que j'ai faite. Alors, ne me demandez pas trop pourquoi je l'ai faite, mais je l'ai faite. Ça ne concerne pas le piéton, ça concerne un conducteur de véhicule, l'automobiliste que je suis au moment où je décide de faire cette expérience, qui n'est pas très aventureuse, vous allez voir. À 200 mètres dans l'endroit où je travaille, il y a un gigantesque rond-point qui fait à peu près 60 mètres de diamètre. Et je suis en train de travailler sur les espaces publics, sur ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire, etc., etc. Et je me dis, pour aller de ma ville à mon boulot, sur ce rond-point, je fais trois quarts de tour. Habituellement. Je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas un tour de plus? Donc, premier quart de tour, j'entre, je suis rejoint par des voitures, qui étaient deuxième quart de tour, demi-tour, je suis rejoint par d'autres voitures et abandonné par d'autres. Troisième quart de tour, je suis rejoint par des voitures et abandonné par d'autres. Quatrième quart de tour, je suis rejoint, même chose. Simplement, les voitures qui m'ont accompagné pour un moment, sur un quart de tour, en demi-tour, trois quarts de tour, il n'y en a plus. Je tourne. Toujours rejoint, mais pas accompagné ou moins accompagné. Je me dis, c'est incroyable, on a le droit. On a le droit de circuler, on est dans l'espace public, on peut faire des tours. Alors il y a l'histoire de grosse, tout ça. Le métier, qui tourne. Puis une espèce de sentiment d'euphorie. Sauf qu'à un moment, au bord de ce rond-point, il y a un arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, il y a une mamie qui attend avec son sac. Et il suffit que je la voie pour que panique à bord. Panique à bord et réserve dramaturgique. je suis tout à fait prêt. Kaufmann dirait, je suis aussi prêt qu'un sourd-muet dans une réception publique. Je suis tout à fait prêt à payer de ma personne et de mon corps pour faire le geste juste, pour dire, c'est pas possible, je suis perdu, etc. Et je remarque, avec soulagement, tout ça à peu près à 50 à l'heure, hein, et en voiture, hein, donc, qu'elle ne m'a pas vu. Mais je ne prendrai pas le risque de faire un tour. Voilà. Alors, si on analyse, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Je suis sans arrêt vu par des gens. Je suis sous la vue. S'ils ne m'avaient pas vu, je ne serais peut-être pas là. Ils seraient entrés dans ma voiture. Je suis sans arrêt vu par des gens qui entrent, qui m'accompagnent et qui sortent. Mais il n'y a aucun témoin, sauf une, potentielle, la dame, de l'activité à laquelle je suis en train de me livrer. Donc c'est ce paradoxe-là qui est très fort, qui est je suis sans arrêt sous la vue, mais mon activité, elle est sans témoin. Pourquoi ça? Parce que la pellicule des récepteurs, ceux qui me voient, dans le viseur duquel j'entre, cette pellicule n'arrête pas, cette pellicule sensible n'arrête pas de se dissimuler, de changer. C'est comme si j'étais entouré de témoins, mais de témoins qui ne sont que les témoins de bribes de mon existence et qui ne peuvent pas la reconfigurer. Si par contre je fais un tour, se lève la question de savoir mais qu'est-ce qu'il a celui-là, pourquoi il fait un tour, pourquoi il fait deux, etc., etc. Et donc là, par rapport à ça, je m'exprime. Bon. Voilà mon anecdote qui me parle à tous et à chacun, et je la fais servir comme métaphore du statut optique, visuel, perceptible du flâneur, parce que ce qui garantit la latitude et la liberté du flâneur, c'est certes qu'on le voit, mais qu'on ne le voit pas faire ce qu'il fait. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas au centre d'un cercle d'inspection où les gens pourraient avoir du surplomb sur son activité et dire « qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là » Parce que le territoire d'élection du flâneur, et là j'ai eu la chance de faire une thèse sur les grands boulevards à Paris en 1830, la genèse de l'espace moderne, l'espace du centre-ville, on a un territoire pratique, qui n'est pas un territoire justement, mais qui est marqué par ce que j'appellerais un étagement des vitesses. Avec du désœuvrement, du concernement, de l'affairement, des gens qui entrent, des gens qui sortent. Et le flâneur bat le trottoir, mais ils ne sont pas beaucoup de sa sorte. Donc, d'où cette idée que même la position de la flânerie même suppose une sorte de latitude interactionnelle qui est acquise dans le cadre de la grande ville, mais qui n'est pas acquise partout. Si vous ne pouvez pas flâner dans un territoire approprié, vous serez repéré. Vous voyez ce genre de choses et tout. Donc j'avais formulé ça en disant qu'on a une attitude interactionnelle qui nous permet à la fois d'être libre de notre observation, c'est-à-dire de ne pas être des badauds qui sont attirés par des spectacles et qui sont contraints par le spectacle, et en même temps, être libre d'être observé, c'est-à-dire qu'on a le droit, une certaine latitude, on peut échapper à minima à ce que j'appelais le voir désobligeant. C'est-à-dire dans certains quartiers, dans certaines zones réservées, si vous regardez trop, vous regardez trop. Et ça peut vous exposer à des « qu'est-ce que t'as toi ? Qu'est-ce que t'as à me considérer ?» Ça existe aussi dans l'espace public. Mais bon, c'était cette idée que j'avais, sur laquelle je voulais commencer, qui était que je vais vous parler de gens qui sont engagés à plusieurs dans l'espace public, mais je voulais quand même dire un mot sur cet engagement plus solitaire, et parce que c'est cet engagement-là, la posture de flâneur, qui a soutenu beaucoup des propos qui ont été énoncés jusque-là. Et qui sont des propos cruciaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout pour moi de faire la fine bouche là-dessus. Et au contraire, même, je dirais qu'on peut mettre ça à l'actif d'une civilisation urbaine. Donc il ne s'agit pas du tout de... Voilà. Donc maintenant, je ne suis que plus à l'aise pour parler de mon marché à plusieurs. Je vais vous donner 3, 4, 5 observations que j'ai faites dans une enquête sur une zone commerciale près de, entre Aix-en-Provence et Marseille, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est la zone de plan de campagne. Comme on est pas loin de Marseille, c'est la plus grande zone commerciale d'Europe. Soyons clairs. Ça doit être une des nombreuses plus grandes communes. Là, c'est la vraie. En plus, elle est assez. Elle est quand même assez marseillaise. Elle est assez souple. Il n'y a pas vraiment de chaîne leader. Il y a bien Géant Casino, il a été invité, il est en bail, il y a la concession limitée. Cette zone a défrayé l'actualité récemment, et avec Sarkozy, les jours semblent meilleurs. C'est-à-dire qu'elle va certainement avoir le droit d'ouvrir le dimanche. Moi, j'ai un point de vue neutre là-dessus. Mais j'ai noté quand même une chose, c'est-à-dire que le record d'affluence à plan de campagne, c'est le dimanche. 35% du chiffre d'affaires. Et l'analyse que j'ai, peut-être un peu, on pourra peut-être me la reprocher, je ne sais pas, mais elle est de dire que le dimanche, c'est la seule zone de l'agglomération urbaine où la ville reste allumée plein phare. Je le dis comme ça. Le dimanche, les rideaux tombent dans la ville, dans les villes royaux, dans les villes centres, relativement, mais quand même. Et les citadins sont priés d'aller à la campagne, et ben non, il y en a qui n'y vont pas et qui se retrouvent à plein de campagne et qui font même la queue pour y entrer en voiture. Qui cherchent des ambiances urbaines au sens où l'expérience de la ville, c'est l'expérience de la foule. D'une certaine manière, c'est un espace où la ville est en présence d'elle-même, comme je dis, pour le meilleur et pour le pire. D'accord ? Donc les gens y retournent. Ça me semble dire qu'ils s'en trouvent bien. Ça veut sans doute dire que la fréquentation de ces lieux a quelque chose de sinon d'attirant, du moins de convenable, de convenant, d'acceptable, de praticable. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les gens qui se retrouvent à plan de campagne sont à peu près du même niveau social, du même background culturel? Est-ce que ça veut dire qu'ils y trouvent des fréquentations, au sens où on dit des bonnes ou des mauvaises fréquentations, qu'on qualifie socialement, au sens où il y aurait des identités sociales, singulières, etc. Non, il y a tout. En vrac, des vieux, des jeunes, des familles, des solos, des hauts, des bas, des culturels, des non culturels, des arméniens, des kabyles, des arabes, des italiens, des espagnols, des pieds noirs, des français de souche, je mets les guillemets juste pour français de souche, des jeunes, souvent en bande, mais des fois des paquets de gens de 3 générations, etc. etc. Donc, ce qui importe pour savoir si ça marche ou pas, à la différence d'une analyse sociologique classique, c'est pas de voir si les gens sont du même milieu social, et donc ça expliquerait que ça marche. Je vous signale par parenthèse que souvent on passe des soirées dans le même milieu social et on se fait plutôt suer, et ça se passe bien, pas bien, d'accord? C'est pas parce qu'on est du même milieu social que forcément ça vaut garantie que ça se passe bien. Réciproquement, je sais pas, il y a des tas d'engagements à plusieurs, du type danse ou football, etc., etc., l'identité sociale ou l'origine sociale de la personne, et fort heureusement, ne compte pas. Donc, bonne ou mauvaise fréquentation, la fréquentation, faut pas la prendre, faut pas la substantialiser sur l'identité sociale des gens qui y sont. Comme interactionniste, fréquentation, pour moi, je mets l'accent sur le suffixe de la fin, sur action, fréquente, action, l'action de fréquenter. Fréquenter, pas forcément des gens. J'avais proposé dans un livre qui maintenant, je ne sais pas si c'est un bouquin qui n'est pas sorti dans une grande une maison d'édition, mais qui a quand même été reproduite à 1000 exemplaires, s'appelle La civilité tiède. J'avais cette idée de, qui était écrite avec Sylvia Ostrovetsky et d'autres, cette idée de fréquentation, une espèce de transitivité à l'infini de ce qu'il en est de la socialité dans un espace collectif, sinon public. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un minimum d'aménité, d'agrément, dans ces possibles de fréquenter des fréquentations? C'est comme ça que la question se retourne. Alors, le premier constat à plan de campagne, c'est que il y a très peu de marcheurs solitaires. Je vais rentrer dans le domaine de la marche, là. C'est-à-dire que vous voyez des gens seuls, en général, ils s'attendent. Si vous voyez des marcheuses solitaires qui tracent, elles sont atypiques, entre guillemets. C'est pas l'ordinaire de la zone. Donc, les gens sont en groupe. De 3 à 5, des fois à 10. On n'a pas fait de comptage. On est resté un quart d'heure au rond-point et on a compté les gens qui passaient et combien il y avait de gens dans les voitures. Le cas général était qu'il y avait 3 ou 4 personnes. En général, en plus, les voitures pouvaient s'arrêter au parking et faire groupe. Enfin, on se retrouvait avec des groupes de 7. Comme il n'y a pas de transport en commun, que tous les gens arrivent par voiture, on n'a pas manqué d'accidents, etc. Donc les gens sont ensemble. Et ils vont marcher ensemble. Alors, est-ce qu'ils sont dans une attitude de s'ouvrir en toute porosité à l'espace sensible ou pas? Est-ce qu'ils vont flâner ou pas? Dès lors qu'ils sont à plusieurs, il y a une contingence problématique simple, surtout dans des environnements peuplés comme c'est le cas à plein de campagnes. Le fait de marcher ensemble expose à un problème auquel il faut trouver une solution pratique. C'est ne pas se perdre. C'est-à-dire faire en sorte que le groupe ne se dissolve pas. C'est simple. C'est une injonction pragmatique, d'une certaine manière. Et ça va évidemment médiatiser le rapport à l'environnement qu'on va avoir. Alors, il y a deux techniques de base garantissent la félicité de cette entreprise qui est de ne pas se perdre. Ça, c'était avant le téléphone portable. Maintenant, je n'ai pas refait l'enquête. Et ça me fait cette objection. Il y a la technique du camp de base. C'est le parking, c'est la voiture. On a des photos, je ne les ai pas, mais faites-moi confiance si je vais essayer d'être assez visuel. On a des photos d'un vol d'oiseaux de parking en juin, juillet. Et on a des photos de parking et on voit que sur une voiture sur deux, il y a des serviettes de bain qui protègent du soleil. Et donc on en infère qu'il y a quelqu'un qui se protège à l'intérieur ou qui attend. Après, j'ai fait des observations, je vois effectivement que ça fonctionne comme ça, qu'il y a des gens qui attendent là. Je ne veux pas faire un éloge des parkings de grande surface, mais essayez de faire la même chose en centre-ville. Restez 10 secondes dans votre voiture en attendant que les gens que vous attendiez, viennent. Toutes les 10 secondes, on vous demandera si vous partez. Et puis vous serez toutes les 10 secondes dans la position désagréable d'avoir à décevoir une attente. Sur le parking qui n'est pas souterrain pour une campagne, vous pouvez faire ça tranquille et puis... Les gosses peuvent vous rejoindre d'abord, et puis j'ai observé, j'invente pas, c'est-à-dire que les parents surveillent, mais pas trop, parce que finalement, c'est un univers de voitures, mais elles avancent lentement, ça n'est pas comme au bord d'une rue. Quoi. Et puis si on zone un peu, si on traîne un peu, on peut rencontrer des gens qui sortent, et il y a des liens, des connaissances qui se mettent à part. Ensemble. Donc ça, c'est la première technique de base pour coopérer le mouvement, si on veut donner des mots un peu prétentieux à tout ça. C'est le camp de base. Et puis la deuxième technique, c'est la technique qu'on pourrait appeler de la vitesse de croisière. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui migrent dans les galeries Et la vitesse de croisière, ça consiste à injecter un minimum de prévisibilité dans l'avancée du groupe, ce qui permet aux trublions du groupe, aux traînards, aux excités, aux éclaireurs, qui veulent absolument voir quelque chose, de savoir à peu près tout le temps où en est le groupe, et de pouvoir le retrouver. C'est ce que j'avais appelé la gestion des dystropismes, c'est-à-dire que marcher ensemble, c'est faire quelque chose ensemble, mais en même temps, les intérêts pratiques des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Alors, les groupes dans ces galeries sont en moyenne de 6 à 7 personnes. Ils ont cette contrainte de ne pas accélérer ou d'avancer de manière assez étale, constante. Et donc, il y a une possibilité pratique qui est très, très délicate à opérer, qui ne s'observe que rarement, qui est que les groupes sont contraints par le rythme général et qu'on voit rarement des groupes en dépasser d'autres. Et vous avez une sorte d'effet de composition d'ambiance qui est une espèce de rythme étale, de monotonie parfaite, qui fait la poésie et l'inverse de la poésie, je ne sais pas comment le cauchemar de l'ambiance, d'une surface commerciale. Alors, je reviendrai en conclusion sur ce thème un peu acrobatique qui est certainement discutable, mais c'est une piste suggestive, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de tracer un fil entre des compositions de gestes pragmatiquement fondées et une déduction englobante d'ambiance. Donc ça, c'est un premier point discutable. Hein, mais qu'est-ce que vous pensez ? Donc on se règle sur le pas des autres. Deuxième série d'observations qui tourne autour des seuils. Quand il n'y a pas de flux, quand ce n'est pas le dimanche, vous allez à plan de campagne, vous avez des galeries marchandes, avec des linéaires de façade en vitre. À l'intérieur de l'autre côté des vitres, vous avez un accès visuel à l'achalandage, les boîtes de chaussures, le personnel qui est là, les vendeuses, la patronne derrière le comptoir, etc., etc. Et puis, vous avez un seuil dans lequel vous pouvez entrer. Mais si vous passez ce seuil, vous savez que vous entrez dans un autre espace social et vous êtes exposé à être l'objet d'attention prévenante. On va vous demander, puis-je vous aider ? Mais on sait aussi que ça veut dire qu'on vous surveille. Et donc vous allez dire, non, je veux juste voir quelque chose, mais en même temps, vous allez regarder avec le sentiment qu'il y a un minimum de contrôle derrière. Le dimanche, dans la foule et dans le flux, les vendeuses sont débordées, elles disent c'est l'enfer, et vous pouvez entrer dans des seuils sans vous rendre compte que vous le faites, parce que vous glissez dans le pas de ceux qui sont juste devant vous. Et d'une certaine manière, vous articulez votre engagement, peut-être par rapport à l'environnement, mais par rapport au flux lui-même. Pas par rapport aux bordures du flux, mais par rapport au flux lui-même. Et cette idée-là, dont je vais y revenir dessus, elle me tient à cœur parce que dans ce à quoi l'acteur est bien avisé de faire attention, vous avez une capacité qu'il a à dédoubler ses attentions, et ça c'est du Goffman, un canal d'attention principal, et longitudinal et latéral, etc. C'est-à-dire qu'on ne met jamais tous nos os dans le même panier perceptif quand on est dans l'espace urbain. On est capable de régler nos attentions sur des choses différentes. Donc là, on doit tenir compte, à la fois on ne doit pas perdre le groupe, à la fois on doit être dans le flux avec les autres, donc on est à la fois ensemble, mais au milieu d'autres ensembles, et à la fois on doit quand même tenir compte un minimum des espaces qu'on traverse, parce que ces espaces de commerce, de choses comme ça, sont des territoires appropriés, sont porteurs d'un minimum de dénivellation normative auquel on va avoir à s'ajuster. Si, quand il n'y a personne, vous entrez dans un magasin, vous savez ce que vous faites, vous entrez dans une zone d'exposition, d'accessibilité aux personnes qui tiennent l'espace. Le dimanche, vous en êtes exempt parce que le personnel est débordé, puis parce que vous suivez le flux. Et ce qui fait que, du coup, au lieu que les gens, vous soyez dans la galerie et puis que vous longiez les commerces sans vraiment y entrer, vous allez pouvoir y entrer et tout en suivant le flux. C'est-à-dire que vous allez avoir un trajet extraordinairement contourné, fractal, comme la côte de Bretagne. C'est-à-dire que d'une ligne droite, vous allez tirer des alvéoles. Et alors là, vous voyez qu'il y a certains magasins qui entérinent. Ils enlèvent la façade en verre et ils font eux-mêmes alvéoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seuil, mais vous glissez le long de la façade marchande, vous cabotez, etc. Et par parenthèse, cette histoire, bon, ça c'est pour faire un clin d'œil un peu savant, mais pour donner à penser aussi, cette topographie d'alvéole, c'est les topographies fractales, c'est une taille de l'éponge, et l'éponge, c'est la métaphore de la ville pour Albax. Quelque chose qui est une éponge, c'est trois dimensions, mais en fait, c'est une paroi à deux dimensions, incroyablement repliée. Donc, on voit tout ça. On voit tout ça. Alors, sur le seuil, donc je vois ça. La force du flux. Quand le flux est fort, il emporte les territoires. On ne fait plus attention au seuil. Et un jour, autre observation, pas dans des conditions de flux, mais justement des conditions de hors temps. C'est un vendredi, je ne me rappelle plus. Je vois un panneau sur lequel il y a marqué il est strictement interdit de manger et de boire dans le magasin. Et ça me frappe parce que j'ai vu ça nulle part ailleurs. Et peut-être parce que je n'avais pas fait attention aux écritures, parce que je suis tout dans la foule là, et on ne peut pas tout voir, hein, malgré qu'on ait plusieurs canaux d'attention. Et donc je me dis, je vais aller voir ce qu'il en est. Mais le magasin est fermé quand je vois ce panneau. Il est interdit de boire et de manger dans le magasin. J'y vais le lendemain, quand ça marche, en pleine journée, et sur le seuil sont des haut-parleurs qui diffusent de la musique, qui annulent sensoriellement l'effet de seuil. C'est-à-dire qu'ils font déborder la musique de l'extérieur dans un dispositif d'attraction sonore, sensible, et qui, c'est la même musique à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, je réalise que c'est un dispositif attractif qui existait, mais qui est un peu perdu de sa... Je ne sais pas, il y en a moins qu'avant. Avant, on rentrait à plan de campagne, on était dans une ambiance musicale. Là, ce n'est plus trop le cas. Mais il y a ce truc-là qui, musicalement, fabrique un espace sonore qui annule la différence. Et c'est dans ce seul espace-là qu'il y aura cette inscription disant il est interdit de boire et de manger dans le magasin, parce qu'on a l'impression, du coup, on peut en inférer que des gens entrent sans trop avoir le souci qu'ils sont en train de pénétrer dans un autre territoire, c'est une dénivellation normative. Et donc, ils mangent. Ils mangent dehors, ils mangent dedans. Là-dessus, je me fais à faire attention à ça, car moi, je n'avais jamais fait attention, c'est-à-dire que les gens passent leur temps à manger. Bon, on peut ne pas le voir, ça peut ne pas être important. Mais après, on fait attention à des choses, c'est-à-dire que là, il y a un magasin Tati, où il y a les glaces, une machine à faire des glaces, et puis je vois deux dames qui prennent des glaces et puis qui vont aller passer du magasin Tati au magasin Kiabi en respectant la consigne de ne pas manger de glace dans le magasin Kiabi. Mais comme il y a 50 mètres entre les deux, elles vont mettre un temps infini pour aller d'un établissement à l'autre. Et donc là aussi, cette espèce de lenteur qu'on ne peut pas... voilà, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, un cas de seuil enfoncé, deux cas de seuil enfoncé, à la halle aux chaussures, avec l'aide du dispositif sonore, et la force du flux le dimanche, quand on ne fait plus gaffe, que, voilà, on rentre dans le cheminement alvéolaire. Des cas de seuil honoré. Avant Cap, un magasin, une galerie un peu plus de standing. Et là, j'ai des observations, je suis du côté est d'Avant-Cap. C'est l'après-midi, donc le soleil vient de l'ouest, il éclaire les gens. Et les gens, en approchant de la paroi vitrée qui est en verre fumé, se voient. Et donc, ici. Voilà. Parce qu'ils enlèvent leurs lunettes, donc ils se décoiffent. Ils enlèvent leurs lunettes en prévision d'entrer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on n'y verra plus rien. Et donc, ils se décoiffent et ils se recoiffent. Et là aussi, ils sont en groupe. Et donc, on les voit qui sont en train de parler entre eux, et puis le temps qu'ils se décoiffent et qu'ils se recoiffent, qu'ils se voient dans la glace, ils tiennent le voisin ou la voisine de la main parce qu'ils sont en conversation. Et comme dit Goffman, la conversation s'interrompt, mais on tient la conversation en tenant l'autre. Là, on a un seuil, une dénivellation normative qui est honorée dans des conditions pragmatiques, sensibles, tout à fait particulières. Et donc, on voit que. Il y a des seuls qui sont respectés, d'autres qui ne le sont pas. Et puis il y a un cas de figure intermédiaire, et là je le donne moins pour le résultat du travail, mais parce que ça me donne une idée de méthode d'observation, c'est l'espace du géant casino. Là on a un cas de seuil effacé, alors évidemment les vitres coulissent avec une photo, c'est une photo électrique, donc. Et donc là, les unités à plusieurs, donc les unités Kaufmann dit véhiculaires, sont par exemple 3-4 personnes autour d'un caddie, il y a quelqu'un qui tient le caddie, et ils sont en pleine conversation, et là, ils n'ont pas besoin de tenir la conversation, ils continuent, c'est-à-dire qu'ils sont complètement focalisés sur l'interaction, et ils ne se rendent pas compte d'eux. Vous voyez ? Donc, voilà. La preuve du seuil par le cours d'action. Voilà. Ça, c'est une idée qui m'était venue en travaillant là-dessus. Alors, je. C'est quand même maintenant que je vous parle. Donc, d'une certaine manière. Le seuil, c'est un cas simple parce que c'est stable. Mais l'idée qu'il y a derrière, et je ne sais pas si j'arriverai à tout retrouver, c'est précisément cette idée que là, quand on marche dans ces espaces peuplés, à la fois on marche ensemble, au sein d'un groupe dont on est, avec la contrainte de ne pas se perdre, et donc de faire un minimum de corps, et en même temps on avance, et en avançant on traverse des espaces, des seuils, des zones d'attention, qui nous obligent à des ajustements normatifs avec des éléments de latéralité. Mais vous pouvez très bien mettre à la place des seuils, d'autres entités peut-être moins stables, qui sont des groupes, d'autres groupes que vous traversez. Vous voyez ? Et donc c'est un peu ça, le fil analytique. C'est-à-dire que vous allez, en termes Goffmaniens, empiéter sur des territoires. Alors là, je n'ai pas les photos, mais ça se voit très bien dans les queues, par exemple. J'ai une photo, j'espère qu'on va publier ça quand même, où on voit un monsieur qui est en train de faire la queue, et il se repose sur son caddie, et il a l'air un petit peu assoupi, et dans son caddie, où il y a juste 3 briques et 2 bricoles, il y a un petit chien qui est tendu avec la corde toute pétillante et qui renifle de manière peut-être un peu délicate soit le sac de la dame qui est devant, soit c'est carrément ses aisselles, on ne peut pas savoir. Et donc, quand vous voyez cette photo, là, il n'y a pas de film, hein, je veux dire, vous espérez que le type va réagir. Et il va réagir en disant à son chien, mais tiens-toi bien. Enfin, le chien, il ne comprend pas le français, mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il dise, tiens-toi bien devant la dame. D'accord ? Donc, il y a cette idée-là sur laquelle on tombe, c'est-à-dire que vous avez des groupes qui migrent, qui s'interpénètrent, qui s'intermingent, etc., et qui mettent en jeu une réputation morale éventuelle. Et donc, l'idée est que ce n'est pas des nous contre des nous, c'est des mondes dans lesquels il y a des petits jeux qui mettent en jeu, J-E-U, la réputation morale du nom. Voilà. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de tirages, entre guillemets, dans ces fréquentations, que je peux pourtant placer sous le signe de l'aménité, mais ces tirages sont des tirages au sein des groupes. Les sommations se font jamais de groupe à groupe, sans ça on risquerait d'en venir au moins, mais les sommations, c'est toujours des rappels à l'ordre auprès de quelqu'un qui s'est mal comporté et par rapport auquel le groupe se doit de marquer vis-à-vis des autres, on est dans l'espace public, que là il a dépassé la limite. Donc la teneur morale de ces espaces, c'est pas le principe de plaisir ou le principe de rigueur, c'est la réputation des ensembles qui est mise en jeu par des éléments de ces ensembles. Et voilà, une chose que je voulais dire et qui sort tout droit de ces observations. Voilà ce que j'avais à cœur comment on appelle ça ? Narrer. Ça ne fait pas vraiment une analyse, mais c'est un peu, je ne sais pas, je veux dire, une fois qu'on a entendu ça, on a peut-être un peu changé sa vision sur les choses. Et je voulais terminer sur ce truc un peu radical de l'ambiance que je vous ai infligée, cette espèce de déduction acrobatique d'enclenchement entre les gestes et de composition de gestes et de déduction en ambiance. Il y a un texte, je vais essayer de bien le lire. Qui est cité par Goffman. Dans les cadres de l'expérience, Goffman dit, il parle dans un chapitre, je ne sais pas si c'est le page 240, de ce qu'il appelle les conventions de phasage. Donc on est bien dans ce domaine-là. Et il dit, les conventions de phasage, c'est dur parce que des fois c'est simple. Mais des fois c'est plus compliqué. Et puis vous avez deux rims, deux cadres. Vous avez le bord extérieur du cadre. Et puis vous avez le bord intérieur qui des fois est plus important. Et il reprend une distinction de Pike qui distingue entre spectacle, Goffman appellera ça des occasions sociales, par exemple une soirée théâtrale. Donc voilà, le cercle extérieur, c'est qu'on entre dans une occasion sociale qui est celle de la soirée théâtrale. Puis au milieu, les trois coups. Et ça, c'est le mid-game, c'est l'opposition spectacle-partie, game. Et il dit, des fois, c'est très simple, comme dans le cas que je viens de donner, mais d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et dit-il, les students of the form, ceux qui étudient la forme, alors là, peut-être des fois, c'est pas les sociologues, il faut se tourner du côté des littéraires. Et il va se tourner vers un texte d'un romancier américain qui est capable de se poser la question, j'ai vu que c'était quelque chose qui était travaillé par vous, de savoir quand et comment une fête commence. C'est Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. Donc là, il faut que je le lise bien. C'est dur, parce que c'est pas simplement une description. Je veux dire, à quoi ça sert quand un écrivain se décarcasse, il essaie de faire passer quelque chose, donc il faut que j'y arrive. Mais si j'y arrive pas, vous irez voir. Le bar fonctionne à plein rendement. Et les tournées de cocktails flottent sur le plateau dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum, si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardage et de rire, d'insinuations nonchalantes, de présentations sitôt oubliées que faites, et d'enthousiastes rencontres entre femmes, des femmes qui n'ont jamais connu leur nom respectif. Les lumières s'avivent à mesure que la terre accomplit l'ombardier qui la détourne du soleil. À présent, l'orchestre joue une musique jaune cocktail, et l'opéra des voix monte dans le ton. De minute en minute, le rire devient plus facile, s'épanche avec plus de prodigalité, s'écoule comme d'une coupe qu'un mot joyeux suffirait à renverser. Les groupes changent plus rapidement, s'enflent de nouveaux arrivés, se dissolvent et se reforment dans un même souffle. Déjà on voit, vaguant çà et là d'intrépides jeunes femmes faisant navette, entre des hommes plus corpulents et pondérés, devenir pour un instant bref et gai le centre d'un groupe, puis, grisé par leur succès, s'éloigner en glissant sur l'océan, changeant des visages, des voix et des couleurs, sous les lumières mouvantes. Soudain, une de ces gypsies, dont la robe est comme une opale tremblante, cueille un cocktail dans l'atmosphère, l'avale d'entrée pour se donner du courage et, agitant les mains comme le danseur Frisco, monte seule sur la scène pour y danser. Un silence se fait. L'obligeant chef d'orchestre altère pour elle le rythme et les chuchotements se propagent comme une onde quand circule la nouvelle, fausse d'ailleurs, que c'est la doublure de Gilda Gray, l'étoile des folies. Point, la fête a commencé. Voilà. Donc, moi, multisensorialité, les couleurs, les odeurs, la lumière, et puis les engagements, les gestes, la circulation d'un groupe à l'autre, les paroles qui circulent, la griserie, etc., etc. Donc voilà, j'avais envie de finir là-dessus, parce qu'il faut bien s'arrêter. Voilà.